Chapitre 14, deuxième partie. À notre arrivée à Taganrog, toute la famille Yems fut tellement révoltée de l'indigne procédé de leur commis qu'elle voulait à toute force lui envoyer sa destitution. Je dus intercéder pour lui. De son côté, le consul de France lui écrivit une lettre foudroyante. Mais nous bornâmes là notre vengeance, et il fut conservé dans ses fonctions. D'après ce que nous apprîmes à Taganrog, les bruits les plus étranges avaient couru sur notre compte. Les uns prétendaient que les Circassiens nous gardaient comme prisonniers, d'autres que nous étions morts de soif et de faim dans les steppes de la mer Caspienne. Bref, chacun avait fait ses conjectures, la plupart fort mélodramatiques. Je ne puis dire tout l'intérêt que l'on nous manifesta en nous voyant sains et saufs après un voyage si aventureux. Malgré notre désir de gagner au plus tôt Odessa, nous ne pûmes nous dispenser de donner une huitaine de jours aux amis qui nous accueillaient avec une si vive sympathie. Les vents de l'Oural firent disparaître dans l'espace d'une seule nuit tout ce que le mois d'octobre avait respecté. Le soleil brillait encore à notre arrivée sur les bords de la mer d'Azov. Mais dès le lendemain, le ciel prit une teinte sinistre et glacée qui précède toujours les métels ou chasse-neige. Toute la nature semblait se préparer à recevoir l'hiver, cet éternel souverain des pays du Nord. Les bords de la mer, recouverts d'une légère couche de glace, l'âpreté du vent, le sol durci par la gelée, l'atmosphère de plus en plus livide, tout annonçait sa venue et nous faisait vivement appréhender ce que nous aurions à souffrir pour parvenir jusqu'à Odessa. 900 verstes nous séparaient encore de cette ville où nous devions prendre nos quartiers d'hiver. Avec la rapidité de la poste russe, c'était l'affaire d'une dizaine de jours, en supposant toutefois que le mauvais temps ne se mettrait pas de la partie. Mais avec les symptômes menaçants dont j'ai parlé, nous devions nous attendre à voir tomber la neige d'un moment à l'autre et à rester peut-être prisonniers au fond de quelques villages. Malheureusement, c'était le moment le plus dangereux pour courir la poste russe. Les premières neiges, faute de consistance, ne permettent pas encore d'aller en traîneau et sont très redoutées des voyageurs, causant presque chaque année de nombreux accidents. À cette époque, les vents augmentant rapidement de violence produisent ces métels dont il a été question précédemment et qui équivalent aux orages les plus furieux de la mer. C'était une perspective fort triste, surtout pour des gens aussi fatigués que nous l'étions, que d'avoir à lutter sans cesse contre les éléments et les obstacles. Néanmoins, il fallut nous résigner à quitter Taganrog et à reprendre encore une fois notre vie errante, sauf à l'abandonner pour longtemps une fois que nous aurions atteint le but de notre désir. Je me souviens que dans ce dernier voyage, le besoin de repos était devenu si impérieux pour nous que le plus pauvre paysan, assis au coin de son poêle, devenait à nos yeux un objet d'envie. Nous traversâmes de nouveau toutes les colonies allemandes que j'avais tant admirées quelques mois auparavant. Mais l'attrayante végétation du mois de mai avait disparu sous la neige et le vent glacé du nord. Tout était triste, sombre, décoloré. Les couleurs variées des maisons auxquelles le soleil du printemps ne prêtait plus son éclat avaient pris des nuances ternes et plombées en harmonie avec le feuillage desséché des arbres. Mais si la nature s'était revêtue tout à coup d'une si sombre physionomie, l'aimable hospitalité des colons n'en devenait que plus précieuse. Après une journée passée en voiture, dans l'engourdissement causé par le froid et l'immobilité, il y avait une jouissance infinie à trouver une chambre parfaitement close et d'excellentes gens se mettant en quatre pour vous rendre plus agréable votre séjour chez eux. Forcé de passer 2 jours dans un village allemand en raison d'un métel qui avait éclaté dans la nuit, je n'oublierai jamais les prévenances dont nous fûmes l'objet pendant ces 48 heures. Le hasard nous avait fait tomber chez deux bons vieillards originaires de la Prusse. La femme, paralysée à moitié, ne pouvait quitter son fauteuil, mais son mari l'a remplacée dans tous les soins du ménage avec une adresse et une activité que nous ne pouvions assez admirer. Dans toutes les maisons allemandes, la principale pièce est ornée d'un beau poêle en faïence et d'un large lit à baldaquin que nos hôtes voulurent à toute force nous céder. Dès le point du jour, le mari, secondé par une grosse servante, mettait à contribution toutes ses connaissances culinaires, espérant ainsi nous faire oublier le mauvais temps. La table dressée du matin au soir était chargée, jusqu'à l'heure du dîner, de café, de pâtisserie, de bouteilles de vin, de jambon, formant le salmigondi le plus appétissant du monde. Rien, à mon avis, n'est plus délicieux que d'assister aux apprêts d'une cuisine tant soit peu rustique. Alors toutes les merveilles de carême pâlissent devant les deux ou trois plats préparés sous vos yeux par une bonne ménagère. Louis est chatouillé agréablement par le bruit du rôti qui rissole dans la poêle. L'odorat aspire avec un plaisir sensuel la vapeur sortant du pot-au-feu. Les allées et venues, la table se chargeant peu à peu de tout ce qui peut exciter l'appétit, tous ces détails de ménage, ces éléments de bien-être ont quelque chose de si séduisant que le voyageur ne donnerait pas de tels préliminaires pour le festin le plus magnifique du monde. La neige tombée en abondance pendant ces deux jours retarda considérablement notre marche. Un homme à cheval, précédant la voiture, sondait avec soin les mauvais endroits car le métel avait comblé ravins et fossés, effaçant tout sur son passage. Que dire de ces solitudes neigeuses, récemment bouleversées par des vents furieux? Toute expression pour les peindre serait impuissante. On ne voit plus de traces humaines. Nulle route, nul sentier ne se dessine à travers ces vagues blanches, amoncelées les unes sur les autres, dans un désordre comparable à celui des flots fouettés par la tempête. Alors nous pûmes apprécier, durant ces longs jours employés à nous frayer un chemin sur la neige, les horribles souffrances de nos pauvres soldats mourant par milliers dans la funeste retraite de 1812. À chaque instant, la pensée de leur détresse venait resserrer notre cœur et nous empêcher de nous plaindre. Nous, chaudement vêtus, traînés par des chevaux robustes et n'ayant à nous préoccuper d'aucun soin matériel. Aux environs de Kherson, les traîneaux de poste commencèrent à se montrer, emportant avec la rapidité de l'éclair les voyageurs enveloppés jusqu'aux yeux de leurs manteaux fourrés. Ces traîneaux sont très bas et ne portent au plus que deux personnes. Très fréquemment, il arrive que la caisse chavire sans que le cocher s'en aperçoive. Le danger est nul, mais le voyageur ne peut manquer d'éprouver une vive contrariété en voyant son traîneau s'éloigner de toute la force des chevaux, tandis que roulé dans la neige, il n'a d'autre ressource que de se mettre à sa poursuite. Si le cocher n'a pas la précaution de jeter un regard en arrière, cette course risque souvent de se prolonger jusqu'à la station, et l'on peut comprendre alors dans quel état arrive le malheureux voyageur. Lorsque cet accident a lieu pendant la nuit, le cas devient encore plus sérieux. Bien des Russes nous ont raconté qu'ils s'étaient ainsi égarés au point de ne pouvoir atteindre qu'après un ou deux jours de recherche la poste où leur traîneau était arrivé vide. Rien de plus ordinaire que de dévier de son chemin dans ces steppes. Il n'est nullement nécessaire pour cela de tomber de son traîneau. Nous-mêmes, dans le voisinage de Kherson, nous risquâmes de poursuivre toute la nuit notre route sans la découvrir. Un brouillard des plus épais nous surprit au coucher du soleil, à Saint-Verst au plus de la ville. Longtemps nous marchâmes au hasard, ne sachant si nous nous dirigions vers le nord ou vers le sud. Dieu sait où nous serions allés si le bruit d'une clochette de poste n'était enfin venu nous tirer d'incertitude. On nous remit sur la bonne voie en nous apprenant qu'il était 10 heures et que 12 verstes nous séparaient encore de Kherson. Je renonce à dire avec quelle profonde satisfaction nous nous retrouvâmes à Odessa, ce port où tendaient nos vœux, cette terre de promission où nous allions enfin jeter l'ancre après tant de fatigues et d'impressions multipliées. Les premiers jours qui suivirent notre arrivée furent une source continuelle d'enchantement. Celui qui a couru le monde pourra seul comprendre la joie avide avec laquelle nous nous reprîmes aux jouissances du chez-soi après avoir été si longtemps sevrés. Le chez-soi, mais c'est le bonheur suprême, c'est le paradis. Qu'importe alors l'hiver et ses rigueurs, qu'importe les longues nuits glacées, les rafales du vent, tout ce qui se passe au dehors, quand, assis au coin du foyer, entouré de quelques bons amis, on savoure avec une si intime volupté les 1000 bonheurs dont se compose la vie sociale. Il est impossible de décrire le charme de ces longues causeries dont vos aventures lointaines font alors tous les frais. L'avidité avec laquelle on vous écoute, la surprise, la frayeur, la jalousie même qui agite tour à tour l'âme de vos auditeurs à mesure que les événements se multiplient dans votre récit. Heureux celui qui, au retour d'un long pèlerinage, trouve une oreille complaisante pour recueillir les 1000 souvenirs de sa vie errante. Heureux quand il peut recommencer son voyage, en dérouler les tribulations, les enchantements, les dangers, le charme aventureux, devant un petit cercle d'intimes qui s'associe à toutes ses impressions et parfois à ses regrets. Tant qu'on est en voyage, il est difficile d'apprécier les nombreux épisodes, les péripéties, les ennuis, les impressions de toutes sortes qui naissent de cet état cosmopolite. L'esprit est alors trop intéressé à voir selon ses désirs pour pouvoir se faire une idée précise des choses. Ne revenant jamais sur ce qui vient de se passer, il ne se préoccupe que de l'actualité. Ce n'est donc qu'à l'aide de la perspective que le voyageur peut considérer sous leur véritable point de vue tous les incidents que le hasard a accumulés sur sa route. Ces réflexions, fruit d'une longue expérience, me portèrent, une fois rendu au repos, à juger d'une manière plus grave que je ne l'avais fait, quelques aventures de notre voyage dont les suites auraient pu devenir si fatales pour nous. La physionomie nouvelle qu'elles prirent à mes yeux ne fit qu'augmenter ma reconnaissance envers cette douce providence du voyageur qui veille incessamment sur lui, écartant de son chemin tout ce qui pourrait mettre obstacle à son retour dans ses foyers. En terminant ce voyage, source de tant d'idées nouvelles et d'impressions poétiques, je me permets de citer ces paroles remarquables de Lamartine. Les voyages seraient une brillante duperie s'il n'était l'éducation de la pensée par la nature et par les hommes. On ne peut, en quelques mots, mieux définir le résultat que doivent avoir sur l'esprit et l'imagination les scènes charmantes de la nature et la diversité des peuples qu'on a eu l'occasion de voir et de juger. Fin du 14e chapitre.